L'agence de presse TASS de Russie a présenté le 22 septembre le reportage de son correspondant en Corée sur ces fermes d'arboriculture fruitière qui contribuent au bien-être de la population avec beaucoup de fruits.